J'étais là devant l'écran tard dans la nuit, cherchant des réponses, cherchant un raccourci. On me juge sur un papier, sur une ligne, sur un mot, mais ils voient pas mes rêves quand je regarde vers le haut. J'ai peut-être pas le bac, mais j'ai toujours ma voix. J'ai peut-être fait des fautes, mais j'abandonne pas. Ils peuvent fermer des portes, je vais construire mon chemin, parce que ma vie vaut plus qu'un diplôme dans leurs mains.